Cuba jusqu'en Irlande. Guérilla, tu es combat. Guérilla, tu es en moi. De Cuba jusqu'en bas de chez moi, tu recrutes tes soldats. Armada de malheureux qui ont foi en toi, guérilla. Les gens de Cuba jusqu'en Irlande. Guérilla, tu es combat. Guérilla, tu es en moi. Major Clinton se laisse pas faire. Ça sonne à coup de militaire. Le vieux cowboy des USA. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas riche. Guérilla ne fait pas le poids, l'URSS c'est pas pour toi.